sympathie qui te paye, même si on va manger rôti, même si on va faire réussir tous les jours, c'est pas comme ça la vie. La caille va changer madame, va changer petite, va changer les amis. Chaque nostalgie finit par y faire, faire une bacouale. Sympathie qui te paye, même si wap manger rôti, même si wap et boire aussi tous les jours, c'est pas comme ça la vie. La caille wap changer madame, wap changer petite, wap changer les amis. Chaque nostalgie finit par y faire, même si pas pour aller. À Paris, nous sommes la fière, nous mettons mon à genoux. Nous disons que nous pas que pareil vraiment, c'est nous pas original. La Guadeloupe, nous sommes la terreur. Je dis que nous pas qu'un pareil vraiment, c'est nous original dans toute la rue. Yeah, yeah. À Paris, yeah, yeah. La Martinique, yeah, yeah. La Guyane, yeah, yeah. Miami, Chicago, New York, Canada, dans toute la rue. En Afrique, yeah, yeah. La Martinique, yeah, yeah. La Boston, yeah, yeah. Miami, Chicago, New York, Canada, en Haïti, yeah, Salomon, oh Lord, yeah, tout fait clou. foutre les comme coton la pambile la pawese la pambouche la pambile la pawese la pambile la pawese. Qui laisse ça? Moi pas attendre. Ou même comme ça. Ouvre moi comme ça. Ma ba ou comme ça. La bambile. La pawese. La bambile. La pawese. La bambile. La pawese. La bambile. La pawese. Qui laisse ça? Moi pas attendre. Ou même comme ça. Ouvre moi comme ça. Ma ba ou comme ça. La bambile. La pawese. La bambile. La pawese. La bambile. La pawese. La rentrée en Haïti, mais dans la main, rien pas dérangé. La bambile, la pawese, la bambile, la pawese, la bambile, la pawese, la bambile, la pawese. Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, Abuya, ma foutre les comme content, la bambile, ma bébé du vent, du fer sur la.